Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. C'est l'heure du journal parlé en français. Nous sommes le 4 septembre 2020. Voici les grands titres de cette édition. Le gouvernement du Burundi vient d'autoriser à titre dérogatoire le redoublement en classe de 9e pour les candidats ayant échoué au concours national édition 2019-2020. Cette mesure prise en Conseil des ministres cette semaine est motivée par le manque de personnel et ou des équipements dans les centres d'enseignement des métiers ou centres de formation professionnelle où ils devraient normalement s'inscrire. Sensibilisation des habitants des communes Gashikanwa et Ruhororo de la province Ngozi pour l'utilisation des latrines écologiques servant non seulement à la production de la fumure organique, mais aussi à la protection de l'environnement. Notre correspondant nous le dira en détail. Et en actualité africaine, en République démocratique du Congo, on annonce l'arrestation de Christian Ngoy Kenga Kenga, le commandant du bataillon Simba, impliqué dans le double assassinat en 2010 des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. Les élèves ayant échoué en 9e année fondamentale vont désormais avoir des places de redoublement. Décision prise lors du Conseil des ministres de ce mercredi, après que le ministre de l'Éducation ait soulevé la problématique du manque d'enseignants et des matériels dans les écoles des métiers qui devraient accueillir ces élèves. Dans un communiqué sorti après ce conseil, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement signale qu'il y a eu des innovations dans le système éducatif, comme la suppression de la direction de l'alphabétisation au profit de l'école fondamentale. Suivez les précisions de Prosper Nahorguamiye. Pour une meilleure prise en compte des avancées du système éducatif burundais d'une part et des orientations du gouvernement d'autre part, il s'avère judicieux d'apporter des innovations et quelques changements dans l'organisation de son ministère afin de mieux répondre à ses impératifs et surtout garantir l'unicité sectorielle et la cohérence de la base au sommet. Entre autres innovations, il y a lieu de citer la suppression de la direction de l'alphabétisation pour focaliser les efforts sur l'école fondamentale, la mise en place d'une direction générale chargée de l'éducation nationale dans le but d'une maîtrise du secteur de l'éducation de la base au sommet, la mise en place d'une direction générale chargée de la formation technique, professionnelle et des métiers, la mise en place d'une inspection générale, ministérielle, etc. En divers, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a parlé de la problématique de la gestion des cas d'échec en classe de 9e année. En effet, il a informé que les écoles d'enseignement des métiers qui devraient normalement accueillir ceux qui n'ont pas pu passer la 9e année ne sont pas équipées ou tout simplement manquent cruellement d'enseignants. Il a été accordé une dérogation spéciale au ministre de donner les mêmes orientations claires et précises pour toutes les écoles sur les modalités pratiques d'octroi des places de redoublement dans l'équité. Et vous saurez que le ministre en charge de l'enseignement a déjà sorti une ordonnance en rapport avec ce redoublement, cette mesure de redoublement des élèves ayant échoué en classe de 9e. Et la femme burundaise a déjà franchi un pas intéressant dans le développement, surtout dans le domaine de l'éducation, et exécute aujourd'hui des travaux durs habituellement faits par les hommes, comme la conduite automobile, notamment les poids lourds. La première dame s'en est réjouie lors d'un forum national des femmes leaders ouvert ce vendredi. Evangeline Ndayishimiye appelle ces dernières à s'impliquer unanimement dans la lutte contre le Covid-19, car cette pandémie freine leur autonomie économique. Les administratifs à la base doivent prêcher par l'exemple. C'est la recommandation du conseiller du gouverneur de la province Muyinga en matière sociale lors d'une séance de mobilisation des leaders communautaires sur l'adhésion aux mutuelles de santé communautaire après avoir remarqué un faible taux d'adhésion. Ce jeudi, la sensibilisation sur la protection sociale s'opérait à Buhinyuza dans le cadre de la semaine dédiée à la protection sociale. Dieudonné Nzeyimana. Nous ne sommes pas dans un bistrot. La voix est celle du docteur Edouard Nkurunziza, représentant l'organisation Memisa Belgique et coordinateur national de la plateforme nationale des mutuelles de santé communautaire. C'est au chef chef-lieu de la commune de Bouhinyouza, devant différents leaders, il donne des arguments relatifs au pouvoir d'achat des habitants avec pourtant une mauvaise allocation de revenus. Il signale qu'en moyenne, un homme de Bouhinyouza prend des bouteilles de vin de banane par jour, 1000 francs par jour. Pourquoi ne pas lui expliquer que s'il se prive d'une bouteille par jour, il épargnerait en 2 mois le montant nécessaire comme cotisation dans une mutuelle de santé communautaire et assurer toute sa famille. En commune de Bouhinyouza, aucun chef de zone n'est membre d'une mutuelle de santé communautaire. Denise Ndaruhekere, conseiller du gouverneur de la province Muyinga en matière sociale, exhorte aux administratifs de prêcher par le modèle. Adhérer à ces mutuelles, difficile d'expliquer aux administrés les programmes gouvernementaux que vous ne vous appropriez pas, lance le conseiller du gouverneur. Et pour Trinité Mulegwa, chef de colline Kiyange, il en va de leur intérêt. Quand une personne, surtout invulnérable, tombe malade, ce sont les administratifs à la base qui peinent pour les soins. En province Muyinga, moins de 5% de la population a adhéré aux mutuelles de santé communautaires installées dans toutes les communes. Bouhinyouza, Dieudonné Nzeimana, Radio Isangani. Merci Dieudonné. Et le gouverneur de la province Kayanza interpelle les chefs de colline nouvellement élus dans cette localité de veiller à ce que tous les enfants en âge de scolarité chez eux soient inscrits à l'école. Rémi Chichahayo a fait cette recommandation lors d'une réunion qu'il a tenue ce jeudi en commune Gatara à l'intention des responsables de différents services dans cette commune. Patrick Saint-Guillaume. Cette réunion organisée par le gouverneur de la province Kayanza, Rémi Chichahayo, en intention des responsables des différents services en commune Gatara, a été aussi une occasion de présenter à la population de cette localité les différents administratifs nouvellement élus en cette commune et d'analyser ensemble la vie de la commune dans différents secteurs. Le domaine de l'éducation et celui de la sécurité ont pris beaucoup de temps par rapport aux autres domaines de la vie de cette commune. En ce qui concerne le domaine de l'éducation, le directeur d'enseignement communal Agatara Isdo Igirukwishaka a indiqué que ces derniers jours, ils se sont observés des camps des enfants en âge de scolarité qui n'étaient pas inscrits à l'école. De là, ce responsable fait savoir que la plupart de ces enfants étaient issus des familles dont les conjoints sont en conflit familiaux, d'autres issus des familles des vulnérables et ceux de la communauté Batwa. De tout ce qui précède, le gouverneur de la province Kayanza, Rémi Chichahayo, interpelle les chefs de colline nouvellement élus à veiller à ce que chaque enfant en âge de scolarité soit inscrit à l'école car, explique-t-il, l'école est la seule source du développement durable du pays. Et quant au domaine de la sécurité, le gouverneur de la province Kayanza invite la population de cette circonscription sans exception aucune à bâtir et consolider ensemble la paix et la sécurité par le biais des comités mixtes de sécurité. Signalons qu'avant la réunion, cette autorité administrative et provinciale s'est jointe à la population de la colline Muhingira de la commune Gatara dans les travaux de traçage des courbes de niveau où environ 1917 mètres de longueur ont été creusés sur les sous-collines Kakenye et Kabukoro. Depuis Kayanza, Patrick Nsenyuva pour la radio Isanganilo. Merci Patrick. Et les habitants de la commune Gashikanoa qui n'ont pas encore mis en place des latrines écologiques sont appelés à approcher ceux qui ont reçu une formation et qui en possèdent. Ces latrines servent non seulement à la production de la fumure organique, mais aussi à la protection de l'environnement, selon Désiré Bigrimana, chargé de la vulgarisation agricole dans l'Organisation de défense de l'environnement et du développement durable. Une organisation qui est en cours de vulgarisation de ce genre de latrines dans les communes Gashikanoa et Ruhororo de la province Ngozi. Les détails dans cette correspondance d'Apollinaire Muzagara. Pendant l'utilisation de ces latrines, le grand et petit besoin sont séparés. L'urine est conduite dans un bidon ou bagage par un tuyau. Une fois rempli, ce bidon est hermétiquement fermé pendant un mois, puis cette urine est utilisée pour fertiliser des plantations comme l'engrais chimique dit UR. Quant au grand besoin, on crée un trou de 2 mètres sur 1 mètre et demi et après chaque soulagement, on y met une poignée de cendres servant comme désinfectant et un peu de son de bois en vue d'augmenter la quantité du fume. Suite à ce cendre, la latrine ne dégage ni de mauvaise odeur, ni des astiques. Une fois rempli, ce trou d'aisance est très bien fermé pendant une année, en vue de tuer des bactéries. Cette fumure organique est également utilisée dans la fertilisation des plantes. Cette méthode permet, selon Désiré Bigirimana, chargé de la vulgarisation agricole au sein de l'ODEB, à augmenter la production agricole par cette fumure organique sans dépenser de l'argent. Lui, avec l'administrateur communal de Gashikanoa, ainsi qu'Antoine Kinyonzi, directeur exécutif de l'Organisation de défense de l'environnement et du développement durable, demande aux autres d'aller apprendre chez leurs voisins ayant déjà appliqué cette méthode. L'ODEB forme des ménages des communes Ruhororo et Gashikanwa sur cette nouvelle technique et offre des dalles couvrant ses latrines. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Toujours dans les nouvelles de Provence, les administrateurs des communes de la province de Bubanza sont appelés à redynamiser les comités mixtes de sécurité. Le gouverneur de cette province l'a dit ce jeudi en commune de Manda au cours d'une réunion de sécurité. Il a également rappelé comment ces comités doivent être organisés de la commune à la colline jusqu'au niveau du quartier. Spes Caritas Cabagnana. Dans certaines localités de cette province de Bubanza, les comités mixtes de sécurité travaillent convenablement, comme l'ont souligné les forces de l'ordre au cours de la réunion de ce jeudi. C'est le cas des comités mixtes de sécurité de Musigati qui ont dénoncé le passage des groupes d'hommes armés vers la fin de la semaine passée. Dans d'autres localités, le travail de ces comités laisse à désirer, surtout dans les lieux où des groupes d'hommes armés sont passés en provenance de la République démocratique du Congo, dans l'intention d'entrer dans la forêt naturelle de la Kibira. Le gouverneur de Bubanza, au cours de cette réunion de sécurité tenue à Moussegni en commune Manda ce jeudi, a rappelé aux administrateurs qu'ils doivent redynamiser ces comités mixtes de sécurité sur les collines jusqu'au niveau des quartiers. Le président et le chef de colline et le vice-président et l'agent des forces de l'ordre basés dans cette localité, y compris également les représentants de tous les partis politiques, les confessions religieuses et autres. Il a été demandé aux administratifs locaux d'identifier et de connaître tous les mouvements des personnes à leur ressort et de demander l'identification aux gens inconnus. Cette réunion s'est tenue après le passage des groupes d'hommes armés dans différents coins selon les rapports des autorités administratives. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes, vous voudrez bien nous excuser pour la mauvaise qualité sonore de cette correspondance de Spes Caritas Cabagnana depuis la province de Bubanza. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, on annonce l'arrestation de Christian Ngoy Kenga Kenga, le commandant du bataillon Simba, impliqué dans le double assassinat en 2010 de Floribert Chebeya et Fidel Bazana de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme. Cet officier de la police considéré comme fugitif avec des antécédents judiciaires est accusé de détention d'armes de guerre. Les circonstances de l'arrestation de Christian Ngoy Kenga Kenga demeurent peu claires. Un autre fugitif, Paul Mouilamboué, réfugié en Belgique après être passé par le Sénégal, s'est lui livré à la justice et demande à être extradé vers la RDC pour dire toute la vérité sur les meurtres des deux défenseurs des droits de l'homme au siège de l'inspection générale de la police nationale. Des faits dont il dit avoir été témoin oculaire et pour lesquels il accuse Christian Ngoy et le général John Numbi. Et les populations de l'extrême nord du Tchad appellent à l'aide quelques semaines après des incendies qui ont ravagé mi-août des palmeraies où sont produites les dattes. Dans le désert tchadien, cette production est la principale source de revenus pour les paysans et face à l'ampleur des dégâts, ceci en appelle à la solidarité. Et hors du continent africain, un cargo transportant du bétail a coulé dans la nuit de mardi à mercredi en mer de Chine. Pour l'instant, 41 des membres d'équipage sont portés disparus et un homme est décédé après avoir été retrouvé. Il n'y a pour l'instant qu'un survivant. Les recherches d'éventuels survivants se poursuivaient ce vendredi avec 4 bateaux de garde-côte japonais, un avion du ministère nippon de la Défense et des plongeurs spécialisés. Un canot pneumatique avait été repéré par avion dès mercredi, mais sans avoir pu être accosté. Cependant, l'arrivée prochaine d'un nouveau typhon dans la zone Haishan risque d'écourter ses recherches de plus en plus désespérées. Il est 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Le gouvernement du Burundi vient d'autoriser à titre dérogatoire le redoublement en classe de 9e pour les candidats ayant échoué au concours national édition 2019-2020. Cette mesure prise en Conseil des ministres cette semaine est motivée par le manque de personnel et ou des équipements dans les centres d'enseignement des métiers ou de centres de formation professionnelle où ils devraient normalement s'inscrire. Sensibilisation des habitants des communes Gashikanwa et Ruhororo de la province Ngozi pour l'utilisation des latrines écologiques servant non seulement à la production de la fumure